Demain c'est vendredi, demain ça n'est fini, du turbin du chagrin, jusqu'à lundi matin. Demain je rangerai mon marteau, ma truelle. Demain moi j'ouvrirai la cage aux hirondelles. Demain c'est vendredi, ma caisse à outils, la gamelle du midi, je les jette aux orties. Demain oui c'est l'acquis, le soir je vais en ville boire de la bibine dans la bouche des filles. Demain, moi, je crierai à moi la liberté. Pour deux jours, j'oublierai ce satané chantier. J'oublierai dans la bière qu'on m'a coupé les ailes. Et j'ouvrirai si fier la cage aux hirondelles. Demain c'est vendredi, ma caisse à outils, la gamelle du midi, je les jette aux orties. Demain oui c'est l'acquis, le soir je vais en ville boire de la bibine dans la bouche des filles. Le vendredi 5 heures, je me remets à l'heure de mon cœur, qui ne bat bien qu'ailleurs, qu'ailleurs de la poussière, soulevé par ma pelle, qui cogne en vain le fer des cages aux hirondelles. Demain c'est vendredi, ma caisse à outils, la gamelle du midi, je les jette aux orties. Demain oui c'est l'acquis, le soir je vais en ville boire de la bibine dans la bouche des filles. Demain oui c'est l'acquis, le soir je vais en ville boire de la bibine dans la bouche des filles.